À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les présidents angolais, camerounais, égyptiens, soudanais et guinéens ont fait parvenir les messages de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Les dessinateurs lui ont souhaité santé et bonheur, ainsi que bien-être et prospérité au peuple coréen. Ils lui ont formulé leur hommage le plus sublime.